Webmusique, la seule émission au Québec qui vous offre de la musique en téléchargement gratuit. Donc, ça veut dire que vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Il n'y a rien de plus simple. Cette semaine, encore une émission vraiment chargée. Donc, on va débuter tout de suite avec le groupe Zone. Leur pièce s'appelle Saint Mamère. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Ça a été publié sur Los MS del Oso, un net label français vraiment pété. Ils ont des trucs vraiment dans le style lo-fi. Vous allez voir, si vous allez faire un tour sur le net label, ils ont des pochettes complètement dégueulasses. C'est vraiment drôle. Donc, un net label à découvrir. Ils ont des trucs vraiment intéressants. Après Zone, on va entendre Andy and Moz, la pièce Hands to the Ground. Ça, c'est publié sur Bad Panda Records qui vient de lancer une compilation. Ça fait déjà un an et plus d'un million de téléchargements. Donc, ils voulaient fêter ça avec une compilation qui est vraiment bonne. Je vous invite à la télécharger. Ben, c'est ça. On débute Web Music avec Zone, la pièce Sainte Mamère. Thank you. De Londres, c'était le duo Andy and Moz. La pièce s'appelle Hands to the Ground. C'était publié sur Bad Panda Records, sur la compilation Bad Panda Records Sampler 2010, une compilation qui vient de tout juste de lancer, donc pour célébrer leur premier anniversaire. Donc, une compilation vraiment bonne, je vous invite à la télécharger. Avant ça, bon, on avait débuté web musique avec un groupe parisien, il s'agit de Zoon. La pièce s'appelle Saint-Mamère. C'était publié sur Los MS del Oso, un net label français complètement pété. Parlant de pété, ben, je vous propose le prochain artiste qui s'appelle Zougou. Ça vient de Clearwater en Floride. Groupe complètement, mais complètement flyé. Vous allez voir, je vous fais passer deux pièces qui sont sur leur album éponyme, donc Zougou. La première pièce s'appelle Crazy, la seconde s'appelle Madness. Juste avec les titres, vous pouvez deviner un peu. Ça, c'est publié sur le net label portugais You Are Not Stealing Records, un nom vraiment approprié parce que ben, ils offrent toutes leurs pièces en téléchargement gratuit. Donc, ben, c'est ça, on écoute tout de suite à Web Music Zougou. N'ajustez pas votre appareil, vous êtes toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. Donc, les deux pièces complètement sautées qu'on vient d'entendre, la dernière s'appelait Madness, puis avant ça, c'était Crazy. C'est par un groupe de Clearwater en Floride qui s'appelle Zugu. C'était deux pièces de leur album éponyme. Donc, c'était publié sur You Are Not Stealing Records, un net label qui vient du Portugal. Pour la suite de l'émission, ben, je vais vous rappeler que vous pouvez télécharger des pièces gratuitement. Vous vous rendez au www.webmusic.org et vous avez accès à toute cette bonne musique. On va poursuivre avec un groupe de Brisbane en Australie, plutôt un artiste du nom de Tidy Kid. Je vais passer sa pièce Toy Plane in Ice. Ça, c'est publié sur le net label mexicain Humor X, un net label que j'ai découvert aujourd'hui qui vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, publié sur Tibor Made, c'est Tony Wolf, un artiste dont j'ai absolument aucune information, semble pas vraiment avoir de présence sur les internets. Je vais quand même passer sa pièce Smokers Die Younger. Vous allez voir une pièce vraiment bonne. Il utilise des samplings de trompettes. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc, ben, c'est ça pour tout de suite, Tidy Kid. Thank you.

joyless journey through sound. You might be missing some of the benefits that stereo can provide. C'était Gosprom à Web Music, un groupe que j'avais vu en 2009 au Festival Net Audio Berlin. Donc, un groupe vraiment intéressant. La chanteuse, vraiment une belle voix, mais je pense qu'elle fait même pas 5 pieds. C'est vraiment étonnant de une voix aussi pleine que ça dans une si petite femme. Donc, Gosprom de la Russie, c'était leur pièce Broadway. C'était publié sur Random Flow. Toujours encore sur Random Flow. Avant ça, c'était L'eau du robinet. Un Polonais, donc, avec sa pièce cinématique Monkey. Random Flow, c'est un net label qui nous vient de Bristol, en Angleterre. En parlant de festival net audio, il y a celui de Lisbonne qui s'en vient. C'est au mois d'avril, c'est le 14, 15 et 16 avril, donc. Je vous invite à aller faire un tour. Pour l'instant, ils ont seulement un site sur Facebook, donc allez faire une petite recherche net audio festival Lisbonne. Vous allez trouver l'information. Sinon, ils ont un compte Twitter, donc ils n'ont pas encore de site officiel. Mais j'ai bien hâte de voir la programmation. C'est certain que je vais me déplacer pour voir ça. J'avais tellement aimé celui de Berlin, je ne peux pas manquer celui de Lisbonne. Pour la suite de Web Music, on va entendre Hippo Ethical. C'est publié sur Dusted Wax Kingdom. La pièce s'appelle A Turntable and a Koto Records. Vous allez voir un mélange de hip-hop et de musique japonaise. C'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, c'est du drum and bass à tendance 8-bit. L'artiste s'appelle Between Cathedral. La pièce s'appelle Sky. Donc, ben, pour tout de suite, à Web Music, on écoute Hypothetical. We'll be right back. du drum and bass à saveur 8 bits, vraiment déchaîné. L'artiste s'appelle Between Cathedral. J'ai pas plus d'informations que ça. Il n'y a pas vraiment de présence sur Internet. C'était sa pièce Sky. Avant ça, de San Jose en Californie, c'était Hypothetical. La pièce s'appelle Turntable and Koto Records. C'était publié sur l'excellent netlabel Dusted Wax Kingdom. Ben, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusique.org. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces. On va écouter tout de suite un artiste du nom de Ornament. Sa pièce s'appelle She Does Dance. On avait fini l'émission la semaine passée avec cette pièce-là. Je l'aime trop. On recommence avec ça. C'était Ornament avec sa pièce She Does Dance. Donc, je pense que ça va déjà être tout pour Web Music. On va se laisser sur une dernière pièce de X-Land. C'est un duo qui est suédois. Je vais passer leur pièce Mr. Jones Hammer. Vous allez voir une pièce vraiment bonne qui est quand même assez longue. On ne pourra sûrement pas l'écouter au complet parce que c'est le Dr. Franco qui s'en vient tout de suite après. Donc, je vous souhaite une bonne nuit à l'antenne de CKRL. Puis, on se redonne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour notre émission de Web Music. Amusez-vous.